que les aconsejo que hagan lo mismo. Mira, tú y tu puto pelo tienen 10 segundos para salir de aquí. Des fois je parle seul, besoin de me venger. Là je prends le sun et tout niquer c'est qu'il le fallait. J'ai sorti le gun et le canon tu vas l'avaler. Papa, je souffre, la vie est un combat. Des aides, je sais, ces chiens ne mourront pas. J'ai fait le tour et je sais qu'ils sont tous bas de gamme. Frère, c'est genre la AK, je sais qu'ils font tous caca. Je me souviens de toi et tout ce que j'ai donné. En cavale dans la merde, plus d'une fois failli m'abandonner. T'en as bien profité pour faire du mal, j'avoue t'es doué. Dieu m'ouvre les portes et les tiennes, elles vont rester clouées. Ouais, et alors, si j'ai dormi dehors. Jamais la crime n'a donné son cave contre l'or. T'es rien pour moi, j'étais seul à compter les heures. Juste à mes 30 ans, ce nu, prison pour mineur. Mon père qui vient reparler, ma sœur que j'ai pas connu. Chaque arbre pour tout ce que j'ai perdu. Un passage de ma vie, c'est comme toi, coup de gaz et plus d'un paysage. Je demande à Dieu pourquoi je souffre. Mais d'où me vient cette malédiction? Mais au réveil, je me sens plus fort. En fait, mon Dieu, c'était une bénédiction. Des fois, c'est vrai que je pense au moi, tu sais. Je pourrais tirer tout cacher, tu sais. Un million de gens, ouais, qui m'aiment, je sais. Ça fait 2 millions, ouais, qui me portent l'œil. Bah ouais, j'ai jamais renié l'époque. Je monte sur la bécane pour aller tirer sur tes potes. Je volais chez les riches, j'étais l'ennemi pour les procs. Poké, Covid, des films à te faire chier dans ton froc. 8h, on est fauché, 11h, on est blindé. Armé comme dans Cobra, coup de crosse, c'était couché. Pardonnez-moi, mais j'avais pas d'autre solution pour toucher. Des rêves que je ne pourrais faire tomber qu'avec un beau crochet, hein. Tu sais même ta famille, me cacher des ennemis. Mais ça c'est personnel, rempli l'envers. Percé par les ennuis, des gyros sous la nuit. Chercher de l'or sous la pluie, ça tout l'hiver. Je demande à Dieu pourquoi je souffre. Mais d'où me vient cette malédiction? Mais au réveil, je me sens plus fort. En fait, mon Dieu, c'était une bénédiction. Des fois, c'est vrai que je pense au moi, tu sais. Je pourrais tirer tout cacher, tu sais. 1 million de gens, ouais, qui m'aiment, je sais. Ça fait 2 millions, ouais, qui me portent l'œil. Pas le time rêvassé, petit, je vais brasser. Massage de cassé, robe. Sans les fils et lacets, devant la juge pour lasser. Puis bébé, je tourne assez. C'est simple, j'ai pas le droit à l'erreur. Je veux pas que des fils de pute me poussent à la faire, gros. Niquer des mères, trop. On est sacré, trop. Puis je m'en bats les couilles, pas tant qu'il remplit le frigo. Je demande à Dieu pourquoi je souffre. Mais d'où me vient cette malédiction? Mais au réveil, je me sens plus fort. En fait, mon Dieu, c'était une bénédiction. Des fois, c'est vrai que je pense au moi, tu sais. Je pourrais tirer tout cacher, tu sais. 1 million de gens, ouais, qui m'aiment, je sais. Ça fait 2 millions.